L'actualité à Nancy et ailleurs. Julien Falentin, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Andy Intérim, votre association qui vient de lancer une plateforme d'emploi, ça s'appelle andyrecrute.com. C'est lancé depuis le 24 juin et avec vous, eh bien, on va découvrir en quoi consiste cette plateforme. Un mot peut-être déjà sur votre association et votre parcours. L'association Andy Intérim, dites-nous tout. Andy Intérim, c'est l'association que j'ai constituée avec 4 autres membres. Andy Intérim a pour but de faciliter l'employabilité des travailleurs handicapés. Voilà, il y a eu une grosse étude qui a été faite et qui a été soutenue par AG2R, la mondiale. L'étude a été faite en partenariat avec un comité de pilotage constitué de tous les acteurs locaux de l'emploi des travailleurs handicapés. Cette association, à vos yeux, elle est importante ? Tout à fait, parce qu'il faut des solutions pour faciliter l'emploi des travailleurs handicapés. Moi, je suis travailleur handicapé. Ça a été très difficile pour moi de trouver un premier emploi au sein d'une association. Mmh. J'ai été recruté en contrat aidé et en 2018, à la fin des contrats aidés, ils ont dû mettre fin à mon contrat. Et donc voilà, j'ai décidé d'entreprendre et de trouver des solutions pour faciliter l'emploi des travailleurs handicapés. Et de proposer donc un service que vous auriez aimé trouver quand vous étiez confronté à ces difficultés. Ah bah oui, tout à fait, parce que à part Cap Emploi sur Nancy, il n'y a pas vraiment de choses spécialisées, en tout cas en Meurthe-et-Moselle, sur l'emploi des personnes handicapées. Alors vous avez lancé le 24 juin une plateforme qui s'appelle, je redonne l'adresse, c'est andyrecrute.com. Dites-nous un peu qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sur cette plateforme et qu'est-ce qu'elle permet. La plateforme va permettre aux candidats, travailleurs handicapés ou non, les employeurs qui viennent sur le site sont avertis. Les candidats, travailleurs handicapés, viennent créer leur profil. Après, ils peuvent postuler à des offres mises en ligne par les employeurs ou bien par les soins de... Andy recrute, il y a la mise en relation qui se fait, il peut même avoir un échange de mail hors candidature et ça se fait en ligne via la plateforme. C'est du CDI, CDD, pourrait y avoir des alternances, en tout cas voilà, c'est des emplois ordinaires. C'est un tout nouveau service, donc c'est simple, ils s'inscrivent, donc ils se rendent sur la plateforme www.andyrecrute.com, on crée son profil, c'est gratuit pour les personnes qui sont en recherche d'un emploi et après il peut y avoir une mise en relation avec de potentiels employeurs. Oui, et la plateforme c'est vraiment le point de départ de l'offre de service Andyrecrute, parce qu'après on compte aussi déployer notre offre, mais vraiment le point de départ... c'est de créer son profil avec notre réseau de partenaires. On a des offres qui arrivent, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, c'est le message que vous voulez faire passer aujourd'hui. N'hésitez pas à aller vous inscrire. Voilà. Si pour le moindre contact, vous êtes une entreprise ou une association qui souhaite recruter, vous pouvez nous contacter à contact@andyrecrute.com. Pareil, hein, si vous êtes personne handicapée, inscrivez-vous. Si vous cherchez un emploi, inscrivez-vous. Et voilà, nous on cherchera aussi selon vos domaines de compétences. On est aussi là, on n'est pas que là pour récupérer des offres et vous les présenter. On est aussi là pour mettre en relation, parce que derrière la plateforme, il y a une équipe de personnes, moi et mes deux services civiques. Et puis les administrateurs, les membres, parce que parmi les membres, il y a APF, France Handicap, donc il y a APF Entreprise, Entreprise Adaptée, il y a Pomona avec Terre Azur, on a plusieurs membres, on a même le CAPS de Rosières. Si vous venez toquer à notre porte, il pourrait y avoir quelque chose, hein. On cherche. Très bien. www.andyrecrute.com. Merci beaucoup, Julien Falentin, président de l'association Andy Intérim. Merci encore. Merci.